Combien j'ai la peau dure à toute épreuve s'il s'agit de montrer que je suis une armure à moi tout seul. Je n'irai pas bien loin. Plus passe les âges, plus c'est certain, je suis comme les arbres. Et il y a des saisons où je me perds tout seul. On y veut la chose. Je t'appelle Inosa, tu te le demandais. Ne me laisse pas tout seul. Le temps nous impose cette solitude. Il y a mes bras, il les tient, pourquoi pas. S'il s'agit de désir, je crois pouvoir dire que tu me manques. Je ris comme je respire, mais au fond je tangue et me démange ton sourire. Maintenant que je me voici tout seul, on y peut de choses. Je t'appelle Inosa. Solitude.